Bienvenue dans l'Info Cui, l'émission bimensuelle ou hebdomadaire, on verra, de l'émission d'actualité, donc de l'Alouette, en partenariat avec Radio Montmirail. Alors ça, c'est une émission de test, on attend vos retours dessus. Il y aura des invités ou pas, on parlera de l'actualité, surtout des derniers jours sur le campus, puis une proposition d'agenda avec les événements des assos étudiantes, les conférences et les expositions à ne pas manquer. Pour proposer une date d'agenda, faire des retours, c'est sur lalouette.journal@gmail.com, objet info cui. Université en fusion cette semaine avec le vote, mardi 12 décembre, de la poursuite du projet IDEX Université de Toulouse par le conseil d'administration. Une décision prise à 17 voix pour, 17 voix contre, avec pas de débat, pas d'isoloir, des personnes extérieures au conseil. La voix prépondérante du président, ça veut dire que si égalité, c'est lui qui choisit, fait passer le oui. On avait presque cru à son engagement de respecter le résultat de la consultation, engagement signé le 24 janvier 2017. Pour rappel, cette consultation des 6 et 7 décembre avait dévoilé la très nette opposition des usagers au projet IDEX-UT, avec 62 ou 63% de contre chez les personnels, 94% du côté des étudiants, qui sont massivement allés voter. Il y a plus de 4000 votants chez les étudiants, soit deux fois plus que pour les conseils centraux, donc c'est absolument énorme. Il n'y avait aucune raison que l'administration ne prenne pas compte cette consultation qui est très très significative. Donc selon le président, on n'est pas juste contre le projet, c'est juste que nous ne l'avons pas compris. Merci pour la démagogie et la condescendance. A noter aussi que l'ECA était initialement prévu au bâtiment de la présidence, mais a été déplacé au rectorat à Sainte-Agne sous protection policière pour pas changer les bonnes habitudes. Une cinquantaine d'étudiants étaient tout de même présents dès 8h30. Mercredi 13, lors d'une AG, les personnels votent la grève. Le 14, des centaines d'entre eux se rendent envahir la salle où le président Daniel Lacroix faisait une réunion afin de réclamer sa démission, suite à sa décision de ne pas respecter la consultation, rompant ainsi le rapport de confiance entre le président et le personnel de l'université. Ce même jeudi, l'AG des étudiants s'est tenue à 12h30 dans un amphi plein à craquer. A notamment été votée aussi une motion en faveur de la démission de Daniel Lacroix. Après l'AG, de nombreuses personnes ont voulu aller à la CFVU, c'est-à-dire au château, dans la salle du conseil où était censé se tenir, mais la réunion a été annulée, faute de quorum. Les gens ont donc décalé à la présidence pour voir Daniel Lacroix, qui s'est vaillamment enfui en voiture, en manquant de blesser deux étudiantes. Enfin, vendredi matin, a eu lieu un rassemblement devant le conseil de l'université fédérale, où 100 à 200 étudiants et étudiantes ont pu envahir le CA de la commu, et ont ainsi empêché un vote qui aurait entériné la décision de fusion et provoqué encore une fois la fuite de Daniel Lacroix sous une escorte policière. Une bonne escorte policière pour le protéger des méchants, des étudiants, parce que lui, c'est un gentil. Les antifusions attendaient donc qu'un nouveau CA soit convoqué, mais badaboum, le conseil n'était pas à court d'idées et a finalement voté, dès l'après-midi du 15, la poursuite du projet IDEX-UT. Des 74 administrateurs, 22 n'ont pas pris part au vote, soit notamment les syndicats CGT, FSU et UNEF, qui ont refusé de se plier au procédé. Parce que vous ne devinerez jamais, ils ont fait ça par voie électronique. Ils ont voté la fusion par mail. Donc si tout roule pour eux, le dossier IDEX sera déposé le lundi 18 décembre 2017. C'est vrai qu'il était temps de la faire passer, la fusion. La grève est donc reconduite jusqu'au lundi 18 et une AG étudiante se tiendra lundi midi. En attendant, on se demande ce que fait s'accrocher si fort le président à son poste. Probablement pas un cœur pur convaincu des bienfaits de la fusion, mais le reste n'est que spéculation. Pour suivre les petites aventures de Daniel Lacroix et être au courant de l'avancée de la mobilisation, peut-être en faire partie pour ça, rendez-vous aux AG et au comité de mobilisation. On vous invite à suivre les pages Facebook des médias étudiants, l'Alouette, le collectif Automédia étudiants, ainsi que celles des syndicats, notamment du très actif et local UET, Union des étudiants et étudiantes de Toulouse. À présent l'agenda. Alors pour les associations étudiantes, c'est le retour de la riposte, qui est l'appel à projets d'AnimaFac. Donc la riposte, c'est 4 projets qui seront désignés pour remporter les prix suivants. Le prix Innovation Sociale, le prix du public, le prix Coup de cœur du jury et Nouveauté 2018, le prix Environnement, élaboré en partenariat avec le REFED, le Réseau Français des étudiants pour le développement durable. Donc chaque finaliste remportera un week-end de formation ainsi qu'un accompagnement sur mesure réalisé par AnimaFac et ses partenaires, REFED, Ulule, Ililo et autres, ainsi que la possibilité d'avoir un bureau au sein du tiers-lieu associatif L'Arsenal, afin de voir encore plus loin pour vos projets. Les lauréats se verront remettre en plus des dotations financières. Du prix environnement, c'est 3000 euros, prix innovation sociale, 3000 euros, prix du public 2500 euros et prix coup de cœur du jury 1500 euros. La présélection se fait du 14 décembre au 14 janvier à partir d'un formulaire disponible sur le site animafac.net. On se souvient par exemple l'année dernière au 3e prix d'Animafac Execo, des Toulousains Le Bruit de la Conversation, un projet d'étudiants et étudiantes toulousaines en architecture qui mettait à profit des connaissances acquises à l'école pour remettre la participation citoyenne au centre des lieux publics et permettre aux communautés qui les habitent de se réapproprier ces lieux par les projets associatifs et participatifs communs. En gros, par exemple, ils ont fait un café associatif dans un bled paumé. Et c'était très bien. Le premier prix AnimaFac avait été remporté l'année dernière par le dispensaire vétérinaire d'étudiants de Lyon, qui vient en aide aux personnes sans-abri en favorisant le lien social grâce aux soins apportés gratuitement à leurs animaux de compagnie. Sur les assos de la fac, il y a par exemple la reprise de l'atelier taille de silex d'Apareia. C'est l'association visant à promouvoir l'archéologie. Donc pour tailler des cailloux, c'est rendez-vous le mercredi midi, devant la maison d'initiative étudiante, la MIE, le bâtiment à côté du bâtiment accueil. Reprise aussi de Beaumarché, le marché responsable et local organisé par Éco-Solidaire tous les mardis midi. Et du côté des expositions, c'est la fin de la 9e édition du Festival d'art contemporain Graphéine, le festival d'art du réseau Picpong qui rassemble plus d'une vingtaine de lieux, qui s'achèvera donc le 22 décembre. Dans le cadre de ce festival, par exemple l'exposition du Siam, After, avec à ne surtout pas manquer le bouquet final mercredi 20 à 18h, qui clôture Graphéine. Au cours de cette expo, 5 artistes ont déplacé leurs ateliers dans les locaux de la fabrique. Nadia Van Foutre, Camille Genatri, Lucille Florenti, Manuel Pomar et Akad Pudvi. C'est une expo inspirée de mai 68, 50 ans déjà. After se déroule donc en 4 actes, autant de temps scandant l'acte créatif. Le Toulousain Akad Pudvi est aussi visible jusqu'au 23 décembre à la Maison Salvan en compagnie de Guillaume Rougeant, Pauline Zinc et Sophie Baquier. Parlons photo ensuite avec l'exposition de la Canadienne Courtney Roy, le The Dreamers, au Château d'Eau jusqu'au 7. L'artiste se met en scène dans des photographies énigmatiques comme des scènes fantasmées de polar américain. A voir aussi dans la Galerie 2 le très poétique travail de collage de Catherine de Blower dans Scène, une très belle série dans laquelle s'invite la matière avec beaucoup de délicatesse et qui laisse notre imagination s'emparer d'un travail de hors-champ d'une belle sensibilité. On s'associe au deuil du Château d'Eau suite à la mort de Catherine Dieuzen, l'épouse de Jean Dieuzen, le fondateur de la galerie. Ce sont aussi les derniers jours pour l'exposition M. Tsamboro de la photographe Laura Hainaut au BBB Centre d'Art, qui aborde les sujets difficiles de des migrations clandestines et des trafics humains, dans une mise en perspective de notre contrat social. Enfin, si vous ne l'avez pas encore vu, on vous encourage à aller voir l'œuvre puissante de Marguerite Humeau, Echo, aux abattoirs. On préfère rien vous dire pour que vous puissiez la découvrir complètement, c'est une très grande sculpture, très, très émouvante. N'oubliez pas de nous faire vos retours et vos propositions d'agenda à lalouette.journal@gmail.com, objet info cuit. Et très bonne journée.